Chapitre 16e. Autre lettre de Denise. Lettre au petit garçon. Mon petit chéri, j'écris bien pour que tu puisses me lire et je compte sur toi pour lire cette lettre tout seul. Tu en es capable. Tu as fait tellement de progrès et je suis si fier de toi. Tu sais, j'aimerais que tu me répondes à l'adresse que je vais laisser à ta maman. C'est une boîte postale. Maman t'expliquera ce que c'est. Je t'écris pour te dire les choses moi-même, car je veux que tu saches que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, et que si je m'en vais, cela me fait mal de te laisser. Mais je suis obligé de te laisser parce que je dois partir. C'est comme ça. C'est une affaire de grande personne, que je ne peux pas t'expliquer, mais que tu comprendras quand tu seras plus grand. Nous pourrons nous écrire, et quand je serai installé, je verrai si ta maman et toi pourraient venir me voir. Je m'en vais dans une autre ville, loin d'ici, mais il y a des avions. Je sais que tu n'as encore jamais pris l'avion, mais cela te fera une occasion de le faire et je suis sûr que tu n'auras pas peur. Je ne suis pas inquiète pour toi, car je sais que ta maman t'aime mille fois plus que moi, comme les mamans savent aimer leurs petits garçons. Et je sais que tu ne vas pas pleurer, parce que tu es grand, parce que nous allons nous écrire, et parce que tu vas venir me voir quand ce sera possible. Il y aura toujours une place dans mon cœur pour toi, tu sais, une grande place. Tu es ma réserve d'innocence et j'en ai tant besoin. Tu sais, ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu m'envoies le cahier sur lequel tu écris chaque jour quelques phrases. Comme cela, je pourrais le relire et penser souvent à toi, à tout ce que tu as appris, tout ce que tu m'as dit, tous les bisous que tu m'as donnés et que je sens encore sur mes joues. Je sais que tu vas continuer de bien travailler à l'école et que ta mère va pouvoir encore être fière de toi. Ce soir, donne-lui un baiser de plus et ce sera de ma part. Mille baisers à mon petit chéri que j'aime tant. Didine. Lettre à Jean-Marc. Cher Jean-Marc, oui, c'est une lettre de moi. Cela doit te surprendre et je sais que tu sauras en faire bon usage. Je te fais confiance pour cela. Hélas pour toi, c'est une lettre, disons, de rupture, puisque je te confirme que je ne serai pas là pour notre prochain rendez-vous. Je quitte cette ville définitivement pour aller m'installer beaucoup plus loin avec l'homme que j'aime et fonder une famille. Je sais que tu comprends cela et que tu ne m'en veux pas. Et d'ailleurs, pour que tu puisses continuer à recevoir ce dont tu as besoin, je te donne l'adresse d'une amie qui saura te satisfaire. Laetitia Millet est là, 5 avenue Nesbeau. Présente-toi de ma part, je vais lui envoyer un petit mot pour que tu sois bien reçu et bien traité par Laetitia. Sachant que tu demandes peu de choses et que cela ne pose donc aucun problème. J'ai toujours essayé d'être là pour toi. Mais sache que tu as aussi été là pour moi et que finalement, j'appréciais nos rencontres. Tu es un très bon amant, même si tu ne t'en doutes pas. Je ne te l'avais jamais dit pour ne pas te faire croire que je pouvais m'attacher à toi. Si tu avais davantage de confiance en toi, tu pourras avoir beaucoup de succès auprès des femmes, déjà en t'habillant et en te coiffant différemment pour ne pas être monsieur tout le monde et en acceptant d'être toi-même avec tes jolis yeux rêveurs si profonds, ta bouche sensuelle et tes mains si habiles à caresser. Avec toi, je me sens belle et presque pure. Tu sais, j'ai aimé nos rencontres, même si je n'y pensais pas ni avant ni après, parce que vivre avec toi doit être particulièrement ennuyeux, tel que je te supposais être dans la vie. En fait, je ne te connais pas et tu n'as rien fait pour que nous nous rapprochions autrement que par ces étreintes mensuelles. Pourtant, elles vont me manquer et tu vas me manquer. Je ne crois pas que j'écrirai cela aux autres, car je vous écris à tous. T'écrire est facile. Tu demandes si peu que je n'ai pas l'impression de te priver de grand-chose en te quittant, même si, au fond de moi, je sais que j'étais importante à tes yeux, pour des raisons que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître. Contacte donc Laetitia dans une petite semaine et conviens de ton premier rendez-vous. Elle aime bien les petits cadeaux, mais je sais que cela ne te dérangera pas. Et je me souviens de nos premières rencontres et de tous ceux que j'ai dû te refuser. Souhaite-moi de ne plus jamais t'écrire. Cela voudra dire que je suis heureuse, là-bas, avec mon amoureux. Je t'embrasse, Denise. Lettre à Marceau. Gilles. Tu as bien senti que les choses avaient changé entre nous, j'espère. Je ne sais jamais trop à quoi m'en tenir avec toi. Tu viens quand tu en as envie, tu restes tant que tu veux. Tu prends ce que tu veux prendre et tu t'en vas. Je n'ai rien à dire puisque j'ai accepté cela et je l'ai même souhaité. Tu me l'as assez répété que c'est moi qui voulais te voir, qui avait besoin de toi, qui te réclamait, qui t'aimait. Avec toi, j'étais heureuse, c'est vrai, je me sentais jeune. Toi, tu te contentais d'être là pour moi, disais-tu. Eh bien voilà, je ne le souhaite plus. Je n'ai plus besoin de toi, et nous ne nous reverrons plus. C'est fini entre nous. J'avais-t-on espéré autre chose avec toi au début, toi que j'aimais tant, pour qui j'étais prête à tout, à qui je donnais tout ce qu'il souhaitait en étant heureuse de le faire. Mais voilà, tu ne voulais pas t'engager, pas parler d'avenir, pas parler de famille et d'enfants. Alors mon amour n'était sans doute pas assez fort, et il n'a pas résisté. Il m'a quitté, sans doute petit à petit, mais je ne m'en suis aperçu que lorsqu'il n'était plus là. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien pour toi. Cela t'est sans doute égal et tu as d'autres bras qui t'attendent. Ceux, par exemple, qui t'ont appris toutes les choses que tu m'as apprises à ton tour. Je crois que c'est de cela que je me souviendrai plus tard, de ces techniques amoureuses que je vais utiliser avec l'homme de ma vie, le vrai. Il est un peu comme toi, à l'extérieur, mais si différent à l'intérieur, et il veut m'épouser, et que nous ayons des enfants. Il va m'emmener loin d'ici, loin de mes péchés, loin de mes largesses. Une nouvelle vie va commencer pour moi, une renaissance, et je sais que je dois complètement couper les ponts avec mon passé, et surtout avec toi. N'essaie pas de me retrouver, je pars loin, sans laisser d'adresse à personne. Tu trouveras bien dans tes nombreuses liaisons une autre femme qui te donnera l'argent dont tu as besoin pour jouer. Et peut-être te portera-t-elle plus chance que moi, et te fera-t-elle gagner, elle. Avec moi, tu ne gagnais que lors de nos parties de poker à deux, et je te laissais quelquefois gagner pour t'éviter de me demander de l'argent par ailleurs. Le jeu te détruit, et tu le sais. Pourtant, je sais qu'il y a tant d'autres choses en toi, que tu es capable de réussir ailleurs que dans le lit des femmes et autour d'une table de jeu. J'ai essayé de te le dire, en vain. Peut-être n'y-je pas mis assez de conviction. J'espère de tout cœur qu'une autre saura mieux le faire que moi. Je sais que tout ce que j'écris ne t'intéresse pas et que tu ne le liras pas, cherchant la seule information utile pour toi que voilà. Je n'ai pas l'intention de te donner les 40 000 euros dont tu m'as parlé l'autre jour, et je suis rassuré de ne pas avoir à te le dire en face, puisque tu ne viendras sans doute pas me voir avant mon départ. Tu sais, quelquefois, tu me fais un peu peur quand il s'agit d'argent, et je crains tes réactions. J'ai accepté quelques gifles quand je t'aimais, mais je ne t'aime plus, et je ne pourrai plus rien accepter de la sorte maintenant. J'ai besoin de cet argent pour ma nouvelle vie, pour ma famille, et cela passe bien avant toi. Voilà, Gilles, ce que je voulais te dire. Je te souhaite de trouver une solution pour l'argent, et je ne doute pas que tu en trouveras une pour me remplacer. Denise. Lettre à Trimmer. Mon amour, nous allons être séparés quelques jours et cela m'angoisse. Je sais que c'est bête, mais je ne peux pas me maîtriser. J'essaie de m'activer pour ne pas y penser, mais cette pensée me revient. Et encore, tu es là, pas loin. Comment vais-je réagir quand tu sors loin de moi, même si c'est provisoire, cela m'affole. Tu sais, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment vécu avant toi. Enfin, plutôt d'avoir survécu plutôt que vécu. Ma vie passée me paraît aujourd'hui si vide, si fade. Je ne sais pas si cela sera toujours comme ça, avec ce mélange de bonheur et de crainte, mais j'accepte la crainte pour avoir le bonheur. Il est si éclatant, si parfait. La vie est belle depuis ce jour-là, depuis ce premier baiser, et je sais que c'est pareil pour toi. Nous ne sommes pas encore séparés, et je t'écris déjà. Je t'écrirai chaque jour de cette longue semaine loin de toi. J'ai aussi écrit à tous ceux que je vais quitter. Tu sais quelle a été ma vie. Je ne t'ai rien caché, car je ne veux pas que des mensonges puissent nous rattraper un jour. Tu sais donc que je ne suis pas neuve, mais je suis intacte, prête à aimer à la folie. Je préfère leur écrire que leur annoncer de vive voix. C'est à la fois plus facile et plus prudent, car je ne verrai ni les déceptions ni les indifférences. Et puis, c'est plus simple de trouver les mots à froid devant une feuille de papier qui ne réagit pas. J'en ai déjà écrit 3, et il m'en reste autant. Je t'ai placé au milieu, bien au chaud, avant d'avoir épuisé mes mots. Pas mes mots d'amour, qui ne sont que pour toi, mais les autres mots. Quelle chance de pouvoir partager ce cabinet médical, d'avoir trouvé à racheter cette part dans cette région si attachante où tu as grandi. Je suis sûr que ce sera bien pour toi, que tu réussiras, et que tu séduiras tous les anciens clients du médecin que tu vas remplacer. J'ai hâte de t'y rejoindre et de rechercher avec toi notre maison, notre chez-nous, notre nid. J'ai tant de projets en tête avec toi, et je sais que tu en as autant avec moi, et c'est merveilleux. Je suis si heureuse d'avoir pu participer pour le rachat de cette part, tu sais. C'est ma contribution à notre nouvelle vie, Enfin, une première, car je vais essayer de trouver un travail, une fois que nous serons installés, quelque chose qui me laisse du temps pour m'occuper de la maison et de toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Comme tu le sais, payer cette part en liquide m'inquiète, mais j'ai confiance en toi, tellement confiance en toi qu'il ne fait que revivre. Appelle-moi quand ce sera fait pour me rassurer, et ensuite, comme nous l'avons dit, plus aucun contact pour que personne ne sache où je vais te rejoindre. Je fais un trait sur mon passé. Je n'en ai pas honte, mais je vais l'oublier. Tu es tout mon avenir, et tu seras le père de nos enfants. Avec toi, j'en ai tant envie, j'en rêve déjà tant. Prends soin de toi, et surtout, préviens-moi quand tu auras payé. Je t'aime, ta Denise. Lettre à Marchand. Mon cher Philippe, j'ai pensé que le mieux était de vous écrire, le mieux pour moi, peut-être pas le mieux pour vous, ça je ne le sais pas, ou je fais mine de ne pas le savoir. Je ne suis pas courageuse aujourd'hui. Comment trouver le courage de vous dire que nous ne nous reverrons plus? De vous dire cela à vous, qui m'avez tant apporté. Vous l'écrire est davantage supportable, même si c'est plus lâche. J'ai l'impression de fuir, et c'est sans doute ce que je fais. Ce n'est pas vous que je fuis, c'est ma vie ici, ma triste vie. Pourtant, c'est à vous que je devais qu'elle soit moins triste, avec tous vos projets et cette demande en mariage. Avec vous, je me sentais une femme respectable. Mais je ne vous aurais pas apporté le bonheur, Philippe. Peut-être le savez-vous au fond de vous. J'aurais été une belle chose près de vous. C'est vous qui dites que je suis belle comme un Modigliani, un tableau animé qui ne vous aurait pas rendu heureux. La beauté, ce n'est pas le bonheur. C'est un souffle qui surprend, qui nous ensorcelle, mais qui passe et poursuit son chemin en s'atténuant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Sans doute pour me convaincre que le mal que je vous fais n'est pas si dur que cela à supporter. Peut-être pour me nettoyer la tête et le cœur de cette trahison. Je ne voulais pas écrire ce mot, mais je sens que je vous le dois. Vous avez payé assez cher pour cela. Je sais que l'argent n'est pas le problème pour vous et que vous vouliez m'en donner encore plus. Mais il faut que vous sachiez que si je l'ai accepté, ce n'était pas avec le projet de m'enfuir avec. S'il vous plaît, croyez-moi, Philippe, c'était pour vous faire plaisir, pour pouvoir m'acheter de quoi être belle, plus belle sans doute que je ne méritais de l'être. Cet argent, celui qui me reste, va m'aider à construire mon nouveau bonheur. Si je vous quitte, ce n'est pas pour des raisons misérables, c'est pour une grande cause, un vrai amour, un grand amour. C'est lui, donc c'est vous, qui êtes le ciment de mon bonheur et je sens que cela vous réconfortera, car c'est mon bonheur que vous désirez. Vous me l'avez dit tant de fois, et tant de fois je vous ai cru, et aujourd'hui encore je le crois, et j'ai besoin de le croire pour vous trahir un peu moins. Je pars et je veux me persuader que Patricia saura prendre soin de vous, mieux que moi, plus longtemps que moi. Elle vous aime à sa façon, et c'est une bonne façon, qui est solide, et qui vous donnera ce que vous attendez, j'en suis sûr. Je pars sans laisser d'adresse, mais je n'oublie pas tout mon passé. Je n'oublie pas le vôtre, au moins. Sachez, Philippe, que tous les instants de bonheur qui peupleront ma vie, je vous les devrai en partie, et pour cela, je vous serai indéfiniment reconnaissante. Je vous embrasse, Denise. Lettre à la femme de ménage. Chère Marianne, cela me coûte beaucoup d'écrire cette lettre. Je veux que tu le saches. Ces dernières semaines, depuis que nos relations ont changé, m'ont fait découvrir un nouvel aspect de ma personnalité qui m'a plu. Et qui t'a plu aussi, je l'ai bien vu. Je ne sais pas expliquer comment tout cela est arrivé, ni pourquoi, mais voilà, c'est arrivé. Et je ne l'ai jamais regretté. Et j'espère que toi non plus. Ces derniers mois, tu t'es devenue ma confidente. Et ces dernières semaines, ma partenaire. Je n'imaginais pas que j'aimerais autant cela, que je pouvais me comporter ainsi avec toi, et que tu aimerais autant ce que nous faisions toutes les deux. Pour ma part, c'est sans doute d'avoir subi si longtemps qui m'a donné cette envie de dominer, sans excès, juste être celle qui donne les ordres, qui cherche son propre plaisir, qui satisfait ses caprices. Il y avait finalement peu de perversité dans tout cela, même si, ces derniers temps, j'ai senti que nous pouvions aller plus loin et que tu le souhaitais. Aurais-je franchi le pas? Je ne le sais pas et je préfère ne pas le savoir. Sans doute arrêtons-nous à temps, car voilà, nous arrêtons. Comme tu le sais, toi, ce n'est pas notre relation qui t'en cause, mais cette rencontre. Tu l'as su avant moi que c'était lui, l'homme que j'attendais. Tu me l'as dit, et cela m'est apparu alors comme une évidence. Tu aurais pu ne pas me le dire et même faire en sorte de le démolir vis-à-vis de moi, mais tu n'es pas comme cela. Tu es franche, spontanée, simple. Cela ne veut pas dire que je te trouve stupide ou inférieure, ou je ne sais quoi, et je me suis posé la question de savoir si je pouvais te proposer de venir avec nous, mais c'est trop délicat. Je ne sais pas comment il réagira, car bien sûr, je devrais lui dire la nature de nos relations. Certains hommes, paraît-il, ne sont pas jaloux de l'autre sexe, mais le risque est trop grand pour moi de lui poser la question. Je sais qu'elle viendra un jour et j'espère que ce jour ne sera pas trop éloigné. Je saurai alors comment te joindre. Nous nous entendons si bien de ce point de vue. Notre relation est si équilibrante et je veux bien prendre le risque qu'elle prenne de nouvelles dimensions, même si je dis l'inverse quelques lignes plus haut. En écrivant cette lettre, me viennent des envies et je sais que ce ne sera pas la dernière fois. La vie est étrange. Je suis amoureuse de lui et j'ai besoin de toi. Je donnerai tout pour lui, sauf peut-être toi. Ce bonheur me fait peur, c'est trop pour moi. Il me faut une zone d'ombre pour goûter au soleil et j'aimerais que ce soit toi. Je ne sais pas comment terminer cette lettre. Si tu étais là, je saurais quoi te faire, mais tu n'es pas là et je ne sais pas quoi te dire. Adieu peut-être. Au revoir, j'espère. Denise.